Chapitre 6e. Le lendemain du jour où Dolorès Salcedo avait été reconduite au couvent, la scène suivante se passait chez le chanoine Don Diego, qui logeait dans un appartement très confortable, retenu d'avance pour lui par l'abbé Ledoux. Il était 11 heures du matin. Don Diego, étendu dans un large et profond fauteuil, semblait assailli de ténébreuses pensées. C'était un gros homme de 50 ans environ, d'une obésité énorme. Ses joues, grasses et tremblotantes, se confondaient avec son menton à quadruple étage. Sa peau, légèrement bistrée comme celle des méridionaux, était mate, flasque, et annonçait la mollesse de cette masse inerte. Ses traits ne devaient cependant point manquer de bonhomie lorsqu'il n'était pas sous l'impression d'une idée chagrine. Sa large bouche, dont la lèvre inférieure, très épaisse, était un peu pendante, dénotait surtout la sensualité. Les yeux demi-clos sous ses gros sourcils gris, les mains croisées sur son ventre de Falstaff, qui dessinait sa vaste rotondité sous une robe de chambre violette, le chanoine soupirait de temps à autre d'un ton dolent et abattu. « Plus d'appétit, hélas, plus d'appétit » murmurait-il. « Trop de secousses m'ont bouleversé. Mon estomac, si vaillant, si régulier d'habitude, et détraqué comme une montre déréglée. Ce matin, au déjeuner, ordinairement mon plus franc repas, j'ai à peine mangé. Tout me semblait fade ou amer. Que sera-ce donc à dîner, Jésus? Que sera-ce donc à dîner? Un repas que je fais presque toujours sans faim, pour ne prendre, pour ne savourer que la fine fleur des meilleures choses. Ah, maudit et damné soit cet infernal capitaine Horace! L'horrible régime auquel j'étais soumis à bord pendant cette longue traversée a commencé à me faire perdre l'appétit. Mon estomac s'est courroucé, s'est révolté contre ces exécrables salaisons, contre ces abominables légumes secs. Aussi, depuis cette injure faite à la délicatesse de ses habitudes, mon estomac me boude, hélas, comme si c'était ma faute. Il me garde rancune, il me punit, il fait le fier devant les meilleurs mets. Puis, après un long silence, le chanoine reprit d'un air effrayé. « Mais qui sait si le doigt de la Providence n'est pas là? À cette heure que je n'ai point la moindre faim, je reconnais que je m'abandonne à un péché aussi détestable que délectable, hélas, la gourmandise. Peut-être la Providence a-t-elle voulu me punir en envoyant sur ma route ce misérable capitaine Horace. Ah, le scélérat, quel mal il m'a fait, et ce n'était pas assez. Il enlève ma nièce, il me jette dans de nouvelles tribulations, il bouleverse ma vie, mon repos, moi qui ne demande qu'à manger avec recueillement et tranquillité. Oh, brigand capitaine, je me vengerai. Mais quelle que soit ma vengeance, double traître, je ne te rendrai jamais la 20e partie du mal que je te dois, car enfin, voilà près de 2 mois que j'ai perdu l'appétit, et quand je vivrai 100 ans, ces 2 mois d'abstinence forcée, je ne les rattraperai jamais. » Ce douloureux monologue fut interrompu par l'entrée du majordome du chanoine, vieux serviteur à cheveux gris. « Eh bien, Pablo, lui dit Don Diego, tu viens du couvent ? » ?»« Oui, seigneur. » « Et mon indigne nièce ? » ?»« Seigneur, elle est dans une sorte de délire, elle a une fièvre ardente. » Tantôt elle appelle le capitaine Horace avec des cris déchirants, tantôt elle invoque la mort en sanglotant. « Je vous assure, Seigneur, que c'est à fendre le cœur. » Don Diego, malgré son égoïste sensualité, parut d'abord touché des paroles de son majordome, mais bientôt il s'écria. « Tant mieux. Dolorès n'a que ce qu'elle mérite. Ça lui apprendra à s'amouracher du plus détestable des hommes. Elle restera au couvent, elle y prendra le voile. Mon excellent ami et compère, l'abbé Ledoux, a parfaitement raison. Par cet échantillon des frasques de ma nièce, je juge de ce qui m'attendrait plus tard si je la gardais près de moi, alerte, algarade perpétuelle, jusqu'à ce que je l'eusse enfin mariée, bien ou mal. Or donc, pour couper à tout ceci, la seigneura Dolorès prendra le voile et fera son salut. Mes biens enrichiront un jour la maison, où l'on priera pour le repos de mon âme, et je serai débarrassé de ma diablesse de nièce. 3 avantages pour 1. Pourtant, seigneur, si l'état de la seigneura empire... « Pas un mot de plus, Pablo !» s'écria le chanoine, craignant de s'apituer malgré lui sur le sort de sa nièce. « Pas un mot de plus. N'ai-je pas, hélas, assez de mes chagrins personnels, sans venir encore m'agacer, m'irriter par des contradictions? Pardon, Seigneur, pardon. Alors je vous parlerai d'autre chose. De quoi? Il y a dans l'antichambre un homme qui désire vous parler. Qu'est-ce que cet homme? Un homme vieux et bien vêtu. Et qu'est-ce qu'il veut, cet homme? Vous entretenir, Seigneur, d'une affaire très importante. Il a porté avec lui une grande caisse qu'un commissionnaire a montée ici. Elle paraît fort lourde. Et qu'est-ce que c'est que cette caisse, Pablo? Je ne sais, Seigneur. Et le nom de cet homme? Oh, un nom bien étrange. Lequel? Appétit, Seigneur. Comment? Cet homme s'appelle Monsieur Appétit? Oui, Seigneur. Tu auras mal entendu. Non, Seigneur, je lui ai fait répéter 2 fois son nom. Il s'appelle bien Appétit. Hélas, hélas, voilà un nom cruellement ironique, murmura le chanoine avec amertume. Il n'importe, pour la rareté du nom, fais entrer cet homme. Un instant après, l'homme annoncé par le majordome entra, salua respectueusement Don Diego et lui dit « C'est au Seigneur Don Diego que j'ai l'honneur de parler. Oui, monsieur, que me voulez-vous? D'abord, Seigneur, vous payez le tribut de ma profonde admiration, puis vous offrir mes services. Mais, monsieur, quel est votre nom? Appétit, Seigneur. Écrivez-vous donc votre nom comme s'écrit appétit, envie, besoin de manger? Oui, Seigneur. Cependant, je dois vous avouer que ce n'est pas mon nom, mais mon surnom. Pour mériter un tel surnom, vous devez être furieusement bien doué par la nature, monsieur Appétit. Vous devez jouir d'une fringale éternelle? Dit le chanoine avec un soupir d'envie et de regret. Au contraire, je mange fort peu, Seigneur, comme presque tous ceux qui ont la mission sacrée de faire manger les autres. Comment? Quelle est votre profession? Cuisinier, Seigneur, pour avoir l'honneur de vous servir si je pouvais mériter cette félicité. Le chanoine secoua mélancoliquement la tête et cacha son visage entre ses mains. Il sentait toutes ses douleurs se réveiller à la proposition du Seigneur Appétit. Celui-ci poursuivit. Mon second maître, Lord Wilmot, dont la débilité d'estomac était si extrême que depuis près d'une année il mangeait sans goût et sans plaisir, a littéralement dévoré dès le premier jour que j'ai eu l'honneur de le servir. Aussi, par gratitude, Milord m'a-t-il donné le surnom d'Appétit, que j'ai toujours conservé depuis. Le chanoine regarda plus attentivement son interlocuteur et reprit « Ah, vous êtes cuisinier, mais dites-moi, vous m'avez parlé de me payer le tribut de votre admiration et de m'offrir vos services. D'où me connaissez-vous donc? Vous avez, Seigneur, pendant votre séjour à Madrid, souvent dîné chez monsieur l'ambassadeur de France. » « Oh oui, c'était mon bon temps alors, » répondit Don Diego avec abattement. « J'ai rendu justice éclatante à la table de monsieur l'ambassadeur de France et j'ai proclamé que je ne connaissais pas de meilleur praticien que le chef de ses cuisines. » Aussi, cet illustre praticien avec qui, Seigneur, je suis en correspondance, afin de nous tenir mutuellement au courant des progrès de la science, m'a-t-il écrit pour me dire sa joie d'avoir été si dignement apprécié par un connaisseur tel que vous, Seigneur. J'ai noté votre nom et hier, apprenant par hasard que vous cherchiez un cuisinier, je suis venu pour avoir l'honneur de vous offrir mes services. Et de chez qui sortez-vous, mon ami? Depuis 10 ans, Seigneur, je ne travaille plus que pour moi, c'est-à-dire pour l'art. J'ai une fortune modeste, mais suffisante. Aussi n'est-ce pas l'intérêt qui m'amène auprès de vous, Seigneur? Mais pourquoi vous présenter plutôt chez moi que chez tout autre? Parce que, libre de choisir, je consulte mes convenances. Car je suis très jaloux, Seigneur, horriblement jaloux. Jaloux de quoi? De la fidélité de mon maître. Comment? De la fidélité de votre maître? Oui, Seigneur, et je suis certain que vous me serez fidèle, car vous vivez seul, sans famille, et par état autant que par caractère, vous n'avez pas, comme tant d'autres, toutes sortes de penchants qui se gênent ou se contrarient toujours. En homme sérieux et convaincu, vous n'avez qu'une passion, mais profonde, absolue, la gourmandise. Eh bien, cette passion, je m'offre, Seigneur, à la satisfaire, comme de votre vie, vous ne l'avez satisfaite. Vous parlez d'or, mon cher ami, mais savez-vous que pour soutenir un pareil langage, il faut posséder un grand talent, un immense talent? Ce grand, cet immense talent, je l'ai, Seigneur. L'aveu n'est pas modeste. Il est sincère, et vous le savez, Seigneur. On puise une légitime assurance dans la conscience de sa force. J'aime cette noble fierté, mon cher ami, et si vos actes répondent à vos paroles, vous êtes un phénix. Seigneur, mettez-moi à l'essai aujourd'hui sur l'heure. Aujourd'hui sur l'heure, s'écria le chanoine en haussant les épaules. Vous ne savez donc pas que depuis 2 mois, à jamais maudit, je suis dans un état déplorable, que je n'ai goût à rien, que ce matin j'ai laissé intact un excellent déjeuner que l'on m'a fait venir de chez Chevet, chez qui je me fournis en attendant que j'ai monté ma cuisine. Ah, si vous n'aviez les dehors d'un honnête homme, je croirais que vous venez insulter à ma misère, me proposer de me faire la cuisine lorsque je n'ai pas la moindre faim. Seigneur, je me nomme Appétit. Mais je vous le répète, mon cher ami, qu'il y a 1 heure à peine, j'ai rebuté sur d'excellentes choses. Tant mieux, je ne pouvais me présenter à vous, Seigneur, dans une conjoncture plus favorable. Mon triomphe sera plus grand. Écoutez, mon cher ami, je ne puis vous dire si c'est l'influence de votre nom ou la manière savante et élevée dont vous parlez de votre art et qui me donne malgré moi confiance en vous, mais j'éprouve, je ne dirai pas la velléité de manger, car je vous mettrai au défi de me faire avaler 1 aile d'ortolan. Mais enfin, j'éprouve à vous entendre raisonner comme un plaisir qui me fait espérer que, peut-être plus tard, si jamais l'appétit me revenait, je... Seigneur, pardonnez-moi si je vous interromps. Vous avez ici une cuisine, certes, et toute montée. C'est là que l'on fait un instant voir le feu à ce que l'on m'apporte tout confectionné de chez Chevet. Mais hélas, bien inutilement. Voulez-vous, Seigneur, m'accorder 1 demi-heure ? Pourquoi faire ? Un déjeuner pour vous, Seigneur. Avec quoi ? J'ai apporté ce qu'il me faut. Mais à quoi bon ce déjeuner, mon cher ami ? Allez, croyez-moi, ne compromettez pas un talent auquel je me plais à croire en l'engageant dans une entreprise impossible et folle. Seigneur, m'accordez-vous 1 demi-heure ? Mais encore une fois, à quoi bon ? À vous faire faire un excellent déjeuner, Seigneur, qui vous prédisposera un dîner meilleur encore. C'est de la folie, vous dis-je, vous êtes insensé. Essayez toujours, Seigneur, que risquez-vous? Allons donc, il faudrait que vous fussiez magicien. Je le suis peut-être, Seigneur, répondit le cuisinier avec un sourire étrange. Eh bien, portez donc la peine de votre orgueil, par trop superbe aussi, s'écria Don Diego en sonnant violemment. Si vous êtes tout à l'heure accablé d'humiliation, si vous êtes forcé d'avouer l'impuissance de votre art, c'est vous seul qui l'aurez voulu. Prenez garde, prenez garde. Vous mangerez, Seigneur, répondit l'artiste d'un ton doctoral. Oui, vous mangerez, et beaucoup, et délicieusement. Au moment où le cuisinier prononçait ces outrecuidantes paroles, le majordome, appelé par le coup de sonnette, entra. Pablo, lui dit le chanoine, ouvre la cuisine à monsieur, et mets-moi un couvert, il faut que justice soit faite. Mais, Seigneur, ce matin, fais ce que je te dis, conduis monsieur à la cuisine, et s'il a besoin de quelqu'un pour l'aider, qu'on l'aide. Je n'ai besoin de personne, Seigneur, j'ai l'habitude de travailler seul dans mon laboratoire. Je vous demanderai même la permission de m'enfermer. Tout ce que vous voudrez, mon cher, mais que je sois jamais damné pour mes péchés, si j'avale 1 bouchée de ce que vous allez me servir. Je me sens bien, peut-être, et il y a véritablement de l'outrecuidance à vous. Il est 11h30, Seigneur, dit le cuisinier en interrompant Don Diego avec majesté. À midi sonnant, vous déjeunerez. Et l'artiste sortit, accompagné du majordome.